Parlez-vous avec X, Patrick Pénaud. La rumeur a fait sensation. Des jeunes filles musulmanes seraient envoyées en Syrie pour offrir leur service sexuel aux combattants islamistes qui luttent contre l'armée de Bachar el-Assad. C'est ce que l'on a immédiatement appelé le djihad du sexe. Et certains exégètes de la loi musulmane, la charia, de légitimer cette nouvelle forme de prostitution au nom de la religion. Les mariages temporaires ou coutumiers seraient autorisés par le Coran. Puis, la rumeur est devenue information. Les médias arabes puis occidentaux ont donné des détails, des chiffres. Un membre du gouvernement tunisien a apporté sa pierre puisque ces jeunes candidates au djihad sexuel étaient généralement originaires de son pays. Il a confirmé que 16 Tunisiennes étaient réellement parties rejoindre les djihadistes en Syrie. Et il s'interroge sérieusement, que fera-t-on des enfants illégitimes qui naîtront obligatoirement de ces unions multiples, mais passagères? On verra même à la télévision syrienne une jeune femme témoigner afin de dénoncer cette prostitution halal à laquelle elle a été soumise. Et soudain, avec la même rapidité qui avait permis son éclosion, la rumeur s'est dégonflée. Ce n'était que propagande et désinformation. Sans doute, mais qui avait intérêt à répandre une telle rumeur? Et pourquoi? La suite avec Monsieur X. Ya'oud, yarfi al-sahar, ya'oud, mitki ala al-mikhmal, tetwajja, ou betrouha akhir dini. ترجع تكتب وتمحي حدود يا عود حكي لي عسهريات في قصورك الأرخام وتشعشع الكاسات عخصور تتلوى وحرير يطير حيران ما بتنام وصوتك يشت قمار يشتي حلا غيم وزناب السود يا عود يا عود يا رفيق السهر يا عود متكي على المخمل بتتوجع وبتروح آخر دني وترجع تكتب وتمحي حدود يا عود يا عود يا عود. Rendez-vous avec X. Ce qui est peut-être encore plus étonnant que la rumeur elle-même, c'est le fait qu'on y a cru si facilement, avec conviction. J'allais dire. Alors, qu'est-ce que ça signifie selon vous là? Ça démontre que dès qu'il s'agit d'islam, on est prêt à avaler n'importe quelle faribole. C'est l'islamophobie. Je n'emploierai pas ce terme trop souvent galvaudé, car on y met tout ce qu'on veut. Mais il est évident qu'il se trouve des oreilles complaisantes dès lors qu'il s'agit de dénigrer les musulmans. Et ne croyez pas que je dis cela pour défendre les islamistes qui donnent presque quotidiennement des témoignages de leur intolérance et de leur obscurantisme. Mais si j'ai choisi d'évoquer ce sujet, c'est qu'il illustre de façon spectaculaire les dérives de l'information et qui permet de comprendre comment des spécialistes de la propagande peuvent tordre la vérité. Oui, et abuser l'opinion. Naturellement. Et puis ça va aussi nous donner l'occasion d'évoquer ce qu'il se passe aujourd'hui en Syrie Et du machiavélisme du pouvoir syrien. Ouais. Parce que celui-ci, alors, se trouverait derrière la propagation de cette rumeur-là. Bon, n'allons pas trop vite, si vous permettez. Et voyons les faits. Voici, par exemple, ce que l'on peut lire l'été dernier dans un journal sérieux et qui est loin d'être hostile aux musulmans. Mais quel organe de presse, là. Par charité, je ne donnerai pas son nom. Vous êtes bien bon. En lisant cet hebdomadaire, on apprend donc que des organisations islamistes radicales ont recruté une quarantaine de jeunes tunisiennes aussi exaltées que naïves, selon les mots même du rédacteur de l'article. Ces filles ont été envoyées sur le front syrien où elles ont été prises en main par des salafistes. Bien sûr, il n'était pas question pour elles de combattre, non. Leur rôle était de se sacrifier au nom du djihad du Nika. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? Cette appellation pseudo-religieuse dissimule une réalité beaucoup plus triviale. Il s'agit pour ces jeunes filles de satisfaire les appétits sexuels des combattants. Ah oui, donc de devenir ce que les Japonais ont appelé pendant la Seconde Guerre mondiale, des femmes de réconfort. Exactement. Que voulez-vous, ces guerriers djihadistes, forcément célibataires, car éloignés de leur famille, ils doivent pouvoir assouvir leurs désirs sexuels. Ah, pour mieux se battre. C'est ça. Et dans le même article, on lit que ces filles, lorsqu'elles tombent enceintes, sont renvoyées dans leur pays. Et le rédacteur se pose très sérieusement la question du sort des enfants qui naîtront de ces unions guerrières, mais éphémères. Et il fait un parallèle avec d'autres enfants, ceux qui sont issus des très nombreux viols commis dans les maquis en Algérie lors de la guerre civile des années 90. Mmh. Mais ce qui est important là, c'est que ce journaliste présente cette information comme étant avérée. Ah, il n'est pas le seul. Il y a encore quelques mois, personne ou presque ne mettait en doute cette fable. Alors, d'abord essayons de voir comment tout a commencé. La première mention de ce djihad sexuel est faite en 2012 par un journal algérien. Et ça s'explique très bien. Alger observe avec inquiétude la montée de l'islamisme et du terrorisme dans la Tunisie voisine. Oui, la peur de la contagion. En effet. Mmh. Bon, ça, on en reparlera. Ensuite, c'est une chaîne de télévision libanaise qui évoque le sujet. Observation intéressante. Cette chaîne n'a rien à refuser à Damas. Ah oui, alors l'information aurait donc pu être inspirée par le pouvoir syrien. La question mérite d'être posée. En tout cas, cette révélation est assortie des précisions suivantes. Le djihad du sexe pratiqué à l'initiative des djihadistes syriens serait autorisé par la charia qui permet la conclusion de mariages temporaires appelés mariages orfi, à la condition qu'ils soient de courte durée. Et de courte durée, c'est-à-dire le temps d'un rapport sexuel ? Pourquoi pas ? Cependant, ces femmes doivent être âgées d'au moins 14 ans, être veuves ou répudiées. Enfin, il faut qu'elles soient volontaires. C'est bien le moins. Mais vous verrez. Bientôt, on évoquera le cas de femmes obligées de subir ce djihad du sexe. Et toujours selon cette chaîne libanaise, les femmes peuvent revendiquer le titre de Mujahidat. Et si elles trouvent la mort lors des combats, elles ont immédiatement accès au paradis. Comme tous les combattants de la guerre sainte. Hein. Mais ceux-ci, enfin, selon ce qu'on raconte, ont droit de s'ébattre au paradis au milieu de 70 houris. Et les femmes, alors ? Aucune précision n'est apportée sur la récompense qu'on pourrait leur offrir. Bon. Vous avez parlé de mariage orfi. Est-ce que ce djihad sexuel repose sur une base doctrinale ? Oui. Ce concept aurait été élaboré et donc légitimé par Mohamed Al-Harifi, un cheikh saoudien, ultra-conservateur qui s'est souvent fait remarquer par la promulgation d'avis juridiques radicaux. Des fatwas ? Oui, enfin, qui témoigne d'un réel mépris pour les femmes. Ouais, c'est un fondamentaliste, donc. Assurément, mais un religieux très écouté. Sur son compte Twitter, il compterait près de 3 millions de suiveurs. Ouais, par conséquent, son avis sur ce djihad féminin est largement diffusé. Oui, mais vrai ou faux, soudain, ce cher affirme que son compte a été piraté. Ouais, c'est-à-dire qu'il fait marche arrière. Là. Et il assure qu'il n'a jamais évoqué de djihad al-Nika sur son site internet. Et d'autres théologiens ou simplement des spécialistes de l'islam font remarquer que ce prétendu djihad est en contradiction avec la doctrine. Alors, pardonnez-moi, mais il me faut entrer dans les détails. Je ne vous savais pas si féru en matière de religion. Hein. Je vous en prie. Mais j'ai coutume d'aborder avec sérieux les dossiers que je traite. Alors, selon la charia, disent ces doctes experts, Le mariage musulman ne peut être célébré qu'à deux conditions incontournables. D'abord, la future épouse doit être accompagnée par un wali. Un wali, c'est-à-dire ? Un wali, c'est un tuteur. Il doit être présent lors de la conclusion du contrat du mariage, car la femme islamique n'est pas autorisée à donner directement son consentement. Ouais. Alors c'est donc l'un de ses proches qui doit le faire pour elle. C'est ça. La deuxième obligation s'appelle la hida. Il s'agit du respect d'un délai de viduité qui est imposé aux veuves ou aux femmes divorcées avant de pouvoir contracter un nouveau mariage. Ouais, afin de s'assurer qu'elles ne sont pas enceintes de leur précédente union. Car il ne doit pas y avoir de doute sur l'identité du géniteur de son futur enfant, afin que celui-ci puisse obtenir sa part d'héritage de son père. En avril 2013, confronté à ces deux points doctrinaux, le cher Al-Arifi est donc contraint de s'expliquer publiquement à la télévision saoudienne sur cette fatwa qu'il n'aurait pourtant jamais émise. Il n'empêche, malgré cette dénégation, la rumeur de l'existence de la fatwa continue à courir. Et en mars 2013, le quotidien saoudien, El Ayat, la propage allègrement. Alors que relate-t-il ? Ce journal rapporte qu'au moins 13 jeunes tunisiennes répondant au djihad du sexe, volontairement ou sous pression de leurs proches, se seraient rendus en Syrie pour y fournir les services sexuels aux djihadistes. Mmh. Y a-t-il des preuves, là ? El Hayat produit une vidéo. On y voit une femme qui témoigne. C'est une étudiante de 17 ans qui affirme se prénommer Inès. Elle a accepté de contracter un mariage avec un étudiant de sa fac d'histoire et de le suivre en Syrie. Mais sur place, il la répudie. Elle épouse alors l'un des chefs du mouvement djihadiste, Jabhat al-Nosra. Toutefois, après que le mariage a été consommé, Inès est à nouveau répudiée. Nullement découragée, elle convole avec un autre combattant, et ainsi de suite. Alors, parce qu'elle va continuer ? Parfaitement. Chaque semaine, elle a 5 nouveaux maris. En 6 mois, elle en compte donc 152. Cependant, Inès regagne enfin la Tunisie, parce qu'elle est enceinte de 6 mois. Et bien sûr, ce témoignage fait floresse. Il est repris sur tous les réseaux sociaux. Et malgré, enfin, pardonnez-moi, son caractère assez invraisemblable. Sans doute. Mais en mars 2013, dans un article du Monde, consacré à l'augmentation du nombre de Tunisiens partant faire le djihad en Syrie, la journaliste fait allusion à la fatwa qui autorisait le djihad sexuel. Ouais. Donc la fable a pris de la consistance. Incontestablement. Hein. Mais c'est en Tunisie que cette affaire va prendre une importance démesurée. Et ce n'est bien évidemment pas un hasard. En septembre 2013, l'hebdomadaire Marianne peut écrire ceci. La première partie de l'histoire, hallucinante, est connue depuis plusieurs mois. Des Tunisiennes, la plus jeune à 13 ans, ont été enrôlées dans un djihad sexuel vers la Syrie, manipulées par les salafistes, détournées de leur famille comme le fait une secte, elles sont conduites vers les camps rebelles syriens, bénies par des fatwas de chers saoudiens, tunisiens, syriens, qui leur promettent le paradis d'Allah une fois atteint le septième ciel dans les bras de valeureux guerriers assoiffés de repos charnel. Des parents désespérés, des jeunes filles revenues de l'horreur ont témoigné à plusieurs reprises. La sexualité délirante, codifiée par la barbarie, ayant toujours été associée à l'intégrisme et autres salafismes, se souvenir des souffrances des Algériennes kidnappées et violées dans les maquis des groupes islamiques armés entre 92 et 99, cette affaire est logique. Son côté spectaculaire ne fera du reste pas bouger d'un iota les positions également délirantes de nos braves bellicistes français prêts à livrer des armes à ces brigades du pire. La seconde partie de cette affreuse saga Ce sont les enfants nés ou à naître des petites Tunisiennes revenues de cet enfer dépeint auparavant par les rabatteurs aux couleurs de Dieu et de l'argent. Et pourquoi cette affaire a-t-elle donc pris une telle importance en Tunisie ? Ça tient à la situation particulière de ce pays maghrébin après la révolution du jasmin et le renversement du régime de Ben Ali. Le pouvoir est instable et le pays est divisé. Face à un gouvernement islamiste immobile, se dresse une opposition laïque très déterminée, qui défend haut et fort le statut de la femme. Mais c'est un statut remarquablement progressiste pour un pays musulman. Et qui est de plus en plus menacé par la montée des mouvements fondamentalistes et radicaux. Déjà, on note une prolifération des mariages temporaires, dits muta ou coutumiers. Ça, oui, c'est les mariages hors fille, avez-vous dit. Oui, c'est une pratique héritée du chiisme iranien. Ça permet, par exemple, aux étudiants salafistes qui n'ont pas les moyens financiers de contracter un mariage traditionnel, de pouvoir avoir, sans péché, des rapports sexuels avec des jeunes filles de la fac portant le niqab. C'est très hypocrite, non ? Enfin, libre à vous de le penser. Parallèlement, on observe de nombreux départs de jeunes pour la Syrie. Oui, pour y accomplir le djihad. Oui. Enfin, ajoutez à tout cela l'existence d'une presse qui est certes libre, mais est encore peu fiable. Oui, en matière de déontologie. Trop souvent, les informations ne sont pas vérifiées ou recoupées. Vous avez donc là un terreau favorable pour qu'une rumeur comme celle du djihad sexuel prospère avec la plus grande rapidité dans tous les médias du pays, mais aussi dans le monde politique. En avril 2013, le mufti de la République tunisienne, Othman Batik, reprend les informations du journal saoudien El Hayat. Il affirme donc que 16 jeunes tunisiennes ont été envoyées en Syrie pour faire le djihad du sexe. Ah, c'est donc une sorte de reconnaissance officielle. Cependant, peu après, ce dignitaire religieux est limogé par le ministère des Affaires religieuses. Alors pourquoi ? Au sein du gouvernement où domine le parti islamiste Ennahda, on a sans doute estimé que l'information pouvait discréditer l'islam. C'est si vrai qu'à contrario, dans le camp laïque, on a considéré qu'il était politiquement incorrect de mettre en cause la réalité de ce djihad du sexe. Alors ça veut dire que les démocrates tunisiens ont ajouté foi à cette fable. Parce que la démentir reviendrait à soutenir les salafistes. Alors même sans doute que certains d'entre eux, enfin je parle de ces laïcs, on devinait qu'il s'agissait d'une imposture. Parfaitement. Le chemin de la vérité est décidément vraiment tortueux. Vous avez raison. Quoi qu'il en soit, la rumeur continue à se propager. En août 2013, il est fait état d'autres témoignages semblables à celui de la jeune Inès. Et à la mi-septembre, le ministre tunisien de l'Intérieur, Lotfi Ben Jedou, affirme devant l'Assemblée nationale constituante que des jeunes femmes du pays continueraient à se rendre en Syrie pour le djihad du sexe. Et à quelle tendance appartient ce ministre ? Un personnage réputé indépendant et qui jouit du respect de tous les partis. Ce ministre ajoute que ces femmes ont des relations sexuelles avec 20, 30, 100 djihadistes, sans toutefois préciser la fréquence de ces rapports. Et lui aussi prétend qu'elles reviennent en Tunisie quand elles sont enceintes. Ouais, toujours le même discours, donc. Mais ce personnage officiel demeure évasif quant au nombre de Tunisiennes qui seraient rentrées de Syrie dans cet état et au sort qui leur a été réservé. Il n'empêche qu'il s'agit là d'une légitimation par le gouvernement de cette affaire. Et ça provoque aussitôt un vrai scandale. Il n'est pas exagéré de dire que la Tunisie semble alors en état de choc. Car les propos de Lotfi Ben Jedou ont fait la une de tous les journaux du pays. Désormais, l'information tourne en boucle à la télévision où l'on voit des parents qui sanglotent en racontant comment les salafistes ont enlevé leur fille Rania afin qu'elle serve de prostituée en Syrie. Mais ça correspond aussi à un changement d'attitude du parti islamiste au pouvoir à l'égard des salafistes qui ont commencé à susciter de graves troubles aux frontières du pays. Et même de véritables actes de guerre qui vont faire plusieurs morts. Ça explique aussi pourquoi, sur Internet, un député, Habib Elouz, membre de la branche dure d'Ennahda, se propose d'adopter les enfants nés de ces unions forcées. En même temps, toujours en Tunisie, on assiste à un déferlement de déclarations fumeuses. Une brillante avocate raconte, par exemple, que les jeunes tunisiennes parties pour le djihad sont notées en fonction de leur performance sexuelle. C'est une pure invention. Évidemment. Et on entend par ailleurs un grand intellectuel tunisien, normalien et traducteur des œuvres d'Althusser, Youssef Sedik, affirmer que le djihad sexuel est la preuve de l'échec de la tentative d'émancipation des femmes par Bourguiba. Ça mérite une explication. Ah ben, eh bien, la voici. Le fameux statut des femmes tunisiennes, si envié dans les autres pays musulmans, n'aurait profité qu'aux seules bourgeoises, laissant de côté les femmes les plus modestes qui seraient devenues les proies des obscurantistes. D'où leur acceptation du djihad du sexe. Voilà. Et maintenant, il se dit que des dizaines, voire des centaines de femmes se trouvent déjà en Syrie. Ouais. Alors, les témoignages devraient s'accumuler. Et pourquoi ce phénomène ne se serait produit qu'en Tunisie ? Et dans nul autre pays arabe. Oui, il y a là de quoi s'interroger. Et à l'étranger, alors, parle-t-on également de ce djihad du sexe ? Oui, en France, des hebdomadaires reprennent l'information. Et en Belgique, la télévision publique fait de même. Mais généralement, on reste plutôt prudent, tant cette affaire semble effarante. Toutefois, dans certains papiers, perce une réaction qui devrait donner la puce à l'oreille à tous ceux qui relaient l'information. Mais quoi ? Eh bien, on laisse entendre qu'il faudrait absolument s'abstenir de donner des armes à ces rebelles djihadistes qui se conduisent d'une façon aussi monstrueuse. Ah oui. Et en Syrie même, là, cette affaire est pas bénie pour le régime bassiste. Bien sûr, ouais. Oui. Mais jusque-là, la presse contrôlée par le pouvoir ne s'est pas réellement déchaînée. Certes, les télévisions ont fait état de quelques cas. Des terroristes, comme les appelle Damas, qui, après avoir été capturés, auraient avoué avoir contraint leurs épouses à se prostituer. Ou encore de femmes qui auraient été victimes d'esclavage sexuel. Mais ces informations sont apparues assez peu crédibles. Et l'opinion syrienne, habituée aux manipulations des autorités, n'y a guère accordé d'importance. Mais ça va changer. Ah, pour quelle raison ? Parce que vers la fin septembre 2013, la chaîne officielle syrienne, Al-Ijbariya, diffuse un témoignage particulièrement révoltant. Une jeune Syrienne de 16 ans affirme avoir été victime de viols incestueux par son père avant d'être livrée à des djihadistes. Pourtant, les observateurs les plus perspicaces s'interrogent. Ouais, ils doutent. Oui. Premièrement, ils s'étonnent. Le visage de l'adolescente n'a pas été flouté. Il y a aussi ses propos, plutôt scabreux. Ouais, surtout dans un pays arabe. Hein, bien sûr, et ça semble trop gros. Par exemple, lorsqu'elle affirme que son père se serait fait payer pour les passes qu'il contraignait sa fille à subir. Et puis, aussi des détails bizarres. La jeune fille apparaît sur l'écran en habit d'hiver, alors que la température de septembre à Damas oscille entre 25 et 30 degrés. Enfin, plus généralement, sa voix monocorde et mécanique. Son visage qui n'affiche aucun sentiment de honte, de gêne, d'humiliation ou de colère, inspire la méfiance. Et l'impression que, tête baissée, elle jette de temps en temps un regard pour ne pas s'écarter d'un texte appris par cœur, mais qu'elle aurait peur d'oublier. Mmh. Conclusion alors ? Elle est effrayante, car des opposants au régime l'ont reconnue. Il s'agit de Rawan Kada. Son père est très connu. C'est le chef d'une katiba de l'armée syrienne libre qui a été accusé à tort d'être membre du Jabhat al-Nusra, ce mouvement affilié à Al-Qaïda. Et sa fille aurait été enlevée plusieurs mois auparavant sur le chemin de son école par des éléments de la sécurité militaire. Ouais, d'où les vêtements d'hiver. Et ces hommes, alors, auraient donc mis au point cette scène télévisée pour humilier le père. Et le discréditer. Mais malheureusement, il y a un fond de vérité. Quoi ? Bah, la fille a certainement été violée, mais pas par des rebelles, par ses militaires, comme beaucoup d'autres femmes enlevées qui ont été violées dans les geôles syriennes, et qui ensuite ont été obligées d'avouer publiquement qu'elles avaient été victimes des rebelles. En tout cas, en ce qui concerne la petite Rawan, la coalition nationale syrienne a rapidement publié un démenti officiel, qui n'a d'ailleurs pas été repris par les médias occidentaux. Que voulez-vous ? Les images sont plus fortes que les mots. Cependant, quelques opposants se sont vengés à leur manière. Comment ? En usant d'humour, mais pas un humour très léger. Ils ont mis en ligne un avis précisant à quelle heure les frères Moudjahidine, Abu Omar et Abu Ali pourraient épancher leurs besoins sexuels avec les sœurs Moudjahida, Tanizé, Asma et Bouchra, c'est-à-dire les prénoms de la mère, la femme et la sœur de Bachar al-Assad. Ouais, effectivement. Ouais. Alors passons. Plus sérieusement, des gens qui n'ont pas cédé à l'emballement ont enquêté. Et la vérité a enfin commencé à émerger. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Plus généralement, cette affaire du djihad sexuel est aussi révélatrice d'une véritable dégradation de l'image de la femme en Tunisie. En témoigne cet article de Jeune Afrique paru en juillet 2013. Face aux positions rétrogrades qui s'expriment de plus en plus ouvertement, les Tunisiennes entendent défendre leurs acquis et demander plus de droits pour les femmes. Certains politiciens appellent au retour de la polygamie, interdite depuis 1956. Et d'autres, comme le conservateur Mahri Chelassi, encouragent les unions avec des filles à peine pubères. Des prêcheurs approuvent l'excision, qui n'a jamais été pratiquée dans le pays. Pourtant, ces coming out rétrogrades n'ont rien d'une révélation. La révolution a juste brisé l'omerta qui s'était faite sur la situation paradoxale des Tunisiennes et révélé les contradictions d'une société aussi machiste que têtue. Depuis la promulgation du Code du statut personnel en août 1956, la mémoire collective semble avoir finalement cultivé quelques rancœurs de ce passage en force opéré par Bourguiba. En apparence, rien n'a changé, mais les brimades et les violences faites aux femmes sont désormais un phénomène reconnu. Selon le ministère des Affaires de la Femme et de la Famille, qui a créé en mars des centres d'accueil pour femmes battues, près de la moitié des Tunisiennes seraient exposées à la violence. La vérité a commencé à se faire jour grâce à une journaliste basée au Moyen-Orient. Shera Frenkel. Elle a réussi à retrouver la Tunisienne Rania, dont les parents éplorés ont témoigné à la télévision. La jeune femme est bien partie en Syrie, mais par conviction et en tant qu'infirmière. Elle a simplement rejoint son futur mari qui se bat dans les rangs de la rébellion. Donc pas de djihad du sexe, là. Et Rania, quand elle a appris ce que ses parents disaient, a été terriblement choquée. Ensuite, un autre journaliste algérien, celui-là, Nasreddine Ben Hadj, a retrouvé la trace du premier article consacré au djihad sexuel. Dans un journal algérien, m'avez-vous dit. Oui, ouais. Oui, oui. Et ce journaliste souligne qu'en Algérie, beaucoup de journaux sont des succursales des services de renseignement qui ont l'habitude de propager des rumeurs pour discréditer les islamistes. Et il explique. Alger s'est alarmé en constatant que de nombreux djihadistes tunisiens partaient combattre en Syrie. Car ce que craignaient les Algériens, ce n'est pas tant leur départ que leur retour. Le retour d'hommes armés et entraînés qui pourraient menacer la sécurité régionale. Alors les services algériens auraient donc inventé cette histoire du djihad sexuel pour discréditer les islamistes. Et inciter les autorités tunisiennes à mettre fin à ces départs. Ouais, c'est assez crédible. Hein. Mais une autre journaliste, une Française, Sarah Daniel, grand reporter au Nouvel Observateur, s'est rendue sur place en Tunisie pour essayer de comprendre s'il y avait, oui ou non, manipulation. Et au fur et à mesure de son enquête, cette affaire du djihad sexuel va progressivement se dégonfler. Elle interroge d'abord un avocat, président d'une association qui aide les Tunisiens immigrés. Celui-ci est aussi l'avocat de femmes, dont on suppose qu'elles ont été victimes du djihad sexuel. Oui, mais on n'en est pas sûr. Alors, l'avocat ouvre les dossiers de ses clientes devant la journaliste. Et celle-ci constate qu'on n'y trouve jamais mention de violence sexuelle ni de traite de femmes. En revanche, il est vrai que ces femmes sont bien parties rejoindre leur mari ou leur fiancé en Syrie. Puis elles sont rentrées en Tunisie. Et si elles ont fait appel à cet avocat, c'est qu'à leur retour, elles ont été accusées de terrorisme. Donc, pas de djihad du sexe. Quant à ce député, Denarda Habib Elouz, qui aurait proposé l'adoption des enfants nés du djihad sexuel, il dément désormais tout et affirme que son site internet a été piraté. Ah, lui aussi, alors tout comme ce religieux saoudien. Et ce n'est pas fini. Un ami du Mufti Bathir, limogé en juillet dernier, après avoir affirmé l'existence du djihad sexuel, révèle que ce sont des agents du service de renseignement du ministère de l'Intérieur qui ont évoqué ces dossiers et ont encouragé les chers républicain et anti-salafiste à en faire état. Une simple manipulation, par conséquent. Mais opérée par qui ? Deux reporters américaines qui ont séparément et longuement mené une enquête en Syrie et dans les camps de réfugiés en Jordanie sur les aspects sexuels du conflit concluent à une pure affabulation propagée par les autorités algériennes et tunisiennes et reprise ensuite par le régime syrien. Et ça vous paraît crédible ? Pas trop, non. Mais encore un peu de patience et je vous répondrai. Auparavant, je voudrais évoquer à propos de la guerre en Syrie un aspect qui a été rarement abordé. Je m'explique. Si les Occidentaux hésitent à aider plus efficacement les opposants syriens, c'est en raison de la présence croissante de salafistes et d'extrémistes dans les rangs de la rébellion. Il existe même des milices islamistes fortes de plusieurs milliers d'hommes. Hein. Qui sont financées et armées par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Oui. Or, je le rappelle, puisque j'en ai déjà parlé, l'une des plus puissantes de ces milices, Jabhat al-Nusra, est affiliée à Al-Qaïda. Alors, revenons 2 ans en arrière. En 2011, le régime syrien est en difficulté. La rébellion syrienne a acquis une réelle légitimité internationale. Et le Conseil national syrien est reconnu par plusieurs États qui se déclarent prêts à l'aider sur le terrain. En outre, on observe un essor des désertions dans l'armée syrienne. Oui, des hommes qui viennent renforcer la rébellion. Hein. En outre, Bachar el-Assad a dû accepter que des journalistes et des observateurs étrangers soient autorisés à pénétrer en Syrie. Le dirigeant syrien doit donc trouver un moyen pour reprendre la main et l'initiative. Et ça va être la remise en liberté de 2 catégories de prisonniers. Lesquels ? D'abord, des détenus de droit commun. Bachar compte sur ses hommes pour accélérer l'insécurité dans le pays, et notamment dans les zones dites libérées. Oui, pour amener la population à souhaiter le retour de l'autorité. Effectivement. Mais il y a encore plus machiavélique. Les autres prisonniers libérés sont des djihadistes que les services syriens de renseignement ont récupérés à leur retour d'Irak au mi-temps de la décennie des années 2000. Ouais, autant d'hommes d'ailleurs que Damas avait encouragé à aller en Irak. Afin d'y semer des troubles et de combattre les forces états-uniennes après l'invasion de mars 2003. Oui. Mais revenus en Syrie, ces islamistes devenaient embarrassants. Et donc ils ont été embastillés. Et enfermés dans l'une des plus effroyables prisons du régime, Saïd Naga, à une 30aine de kilomètres au nord de Damas. Un nid d'aigle perché sur une montagne pelée à plus de 1000 mètres d'altitude. Là étaient détenus des démocrates, des indépendantistes kurdes, d'ex-combattants chrétiens des forces libanaises, et donc des djihadistes membres d'Al-Qaïda et vétérans des guerres en Irak, en Tchétchénie et en Afghanistan. À noter que certains d'entre eux ont été directement livrés à la Syrie par la CIA. Ah oui. Et ce sont donc ces prisonniers qui vont être libérés ? Oui. Par fournée quotidienne de 20 à 30 individus. D'autres bénéficient de la grâce présidentielle de la fin mai 2011. Une grâce qui ne profite quasiment pas aux militants politiques emprisonnés. Ouais. Alors, quel est l'objectif poursuivi ? Oh, c'est très clair. On attend d'eux qu'ils rejoignent la rébellion. Et on espère que leurs pratiques barbares, leurs attentats suicides et plus généralement leur conception obscurantiste de la religion effraieront non seulement le peuple syrien, mais également et surtout les opinions publiques extérieures. Ouais, à un moment où ces opinions, justement, manifestent de la sympathie pour les rebelles. Et ce n'est pas tout. Car parallèlement, Bachar, aussi cynique et manipulateur que son père, multiplie les concessions favorables aux groupuscules les plus fondamentalistes auxquels appartiennent ceux qu'il vient de faire libérer. Ouais. Au fond, c'est une façon de souffler le chaud et le froid. Oui, en tout cas, si on examine de façon réaliste, Bachar a réussi. Ces djihadistes libérés sont maintenant tous à la tête des plus forts bataillons islamistes de la rébellion, comme ce Abu Talha, élargi en 2011 avec 200 de ses camarades, qui a fondé Jabhat al-Nusra. Mieux, certains de ses anciens prisonniers, tels Abu Zefa, qui a créé un groupe ultra-radical, l'État islamiste en Irak et au Levant, serait en vérité contrôlé par les services secrets syriens. Et dès lors, on comprend pourquoi, au lieu de combattre les troupes du régime, ils attaquent les forces de la rébellion laïque. Alors Bachar aurait donc réussi son coup ? Absolument. Et ça explique aussi pourquoi, fin octobre 2013, une 20aine de groupes armés de la rébellion syrienne ont condamné explicitement la Conférence internationale de Genève II qui doit plancher sur une résolution du conflit. Aussi, quand Bachar el-Assad déclare que ses ennemis sont tous les groupes armés islamistes, il ment. C'est d'autant plus vrai que les Syriens, dans leur grande majorité, ne veulent pas d'un État islamique. Non, ce qu'il craint réellement, ce sont les révolutionnaires démocrates. Alors, certainement, mais revenons à cette question du djihad du sexe. Là. Vous pensez aussi qu'il s'agit d'une manipulation du pouvoir syrien ? Moi, j'en suis persuadé. Je ne sais plus qui a déclaré que les services secrets syriens avaient été les meilleurs élèves de la Stasi. En plus, Bachar lui-même a été longtemps conseillé par une agence de relations publiques britannique qui a eu aussi comme client la Chine, Poutine, le Qatar et Kadhafi. Bah, autant de démocrates. Rappelez-vous le reportage sur le couple Assad dans Paris Match. Un couple d'amoureux dînant dans un petit bistrot parisien. C'était forcément émouvant, non ? Donc oui, je pense que l'affabulation du djihad du sexe a été construite de toutes pièces pour salir une rébellion qui, malheureusement, a donné elle-même de nombreux signes de discrédit, grâce en particulier à Bachar. Je vous signale la parution récente d'un livre collectif très éclairant, paru à la Découverte, Pas de printemps pour la Syrie. Autre source d'informations intéressantes, le blog d'un ancien diplomate, Ignace Leverrier, qui est parfaitement informé sur les événements syriens. Enfin, je n'aurai pas de mots trop forts pour vous recommander la lecture du magnifique livre du journaliste de Libération Jean-Pierre Perrin, La mort est ma servante. Présenté comme une lettre à un ami assassiné, le grand journaliste libanais Samir Kassir, c'est aussi un voyage halluciné dans la Syrie en guerre, un pays que Perrin connaît bien, ne serait-ce que parce qu'il a souvent payé de sa personne pour pénétrer clandestinement dans les villes broyées par la machine de guerre de Bachar el-Assad. Avec Perrin, qui est aussi un véritable et éminent écrivain, on entre donc au plus profond du drame syrien et on a envie de pleurer avec ses victimes. Ce livre est publié par Fayard. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez comme d'habitude communiquer avec nous. Ce programme a été préparé par Rebecca Denante, réalisé par Michel Billou et mis en musique par Monsieur Joub.